Bonjour et bienvenue dans ce 32e numéro de Animé de Mélodie. Pour ce numéro, je vous propose une émission plus longue avec non pas 3 mais 4 soundtracks à découvrir suite à mon retard pour le mois dernier. Au sommaire donc, Slayer's Try ou l'Inanverse au Pays des Dragons, où d'ailleurs elle va rencontrer Denver, le dernier dinosaure. Puis nous allons dans le futur, à la rencontre du plus fort des robots, Astro. Et nous finirons l'émission en nous plongeant dans l'espace sidéral à bord du Galaxy Express 999. C'était Breeze, chanté par Megumi Hayashibara. Pendant près d'un millénaire, les démons ont imposé une barrière magique qui a empêché les gens pris au piège d'atteindre le monde extérieur. Maintenant qu'il est brisé, plusieurs royaumes cherchent à explorer les terres qui étaient autrefois hors de leur portée. À cette fin, ils établissent une délégation de paix pour prendre contact avec les habitants du Nouveau Monde. Pendant ce temps, la jeune sorcière l'Inanverse reçoit un message d'une mystérieuse femme nommée Philia Ulcopt. Quand ils se rencontrent, Philia exprime son intérêt à engager Lina et ses amis ayant entendu parler de leurs grandes actions, leurs grands exploits, pour une certaine tâche qui les mènera au royaume extérieur. Malgré cela, Philia ressent le besoin de mettre leurs forces à l'épreuve et les oppose à un dragon au milieu de la ville. Après avoir fait ses preuves, la sorcière et ses compagnons aventuriers partir pour les terres inexplorées où de nombreuses aventures et une prophétie inquiétante les attendent. Cette troisième partie, qui n'est pas adaptée des light novels de la franchise, a franchement divisé à sa diffusion, bien qu'elle soit complexe et remplie de rebondissements et contenant des informations sur des personnages bien connus du monde de Slayers, comme la sœur de Lina, la musique de Osamu Tezuka est dans la continuité des précédentes séries et je vous invite à le découvrir tout de suite. We'll be right back. how much I love you behind of you. Cause always look the front to get to dreaming future. My baby, you don't know whether you'll be with an accident. It's lonely like a bird, but it's a really feel like burn. I know I just don't fare with. It's okay, you can go to everywhere. I met my love and believe you love. For across ocean and blue sky. Baby, don't be afraid if you try to fly. Thank you. venez d'écouter le cover du générique français de Denver The Last Dinosaur par le groupe Astero H. Vous pouvez d'ailleurs acheter leur album sur leur page, dont le lien vous sera proposé dans le descriptif. Denver, le dernier dinosaure, Denver The Last Dinosaur, est un dessin animé américain de 52 épisodes de 20 minutes, créé par Peter Keefe, réalisé par Bram Rowney, produite par les studios IDDH, World Event Production, Calico Production, France 3, enfin anciennement FR3, et diffusée aux États-Unis du 11 avril 1988 au 8 décembre 1989 en syndication. En France, la série a été diffusée à partir du 20 mars 1989 sur FR3 dans l'émission Sam Dynamite, puis dans l'émission Les Minicums et Toho 3. Une bande d'adolescents californiens, Wally, Jérémy, Charlie et Mario, découvrent sur un terrain vague un œuf de dinosaure. Cet œuf donnera naissance à un dinosaure vert, un Corythosaurus, qu'ils appelleront Denver. Denver est un dinosaure hors norme qui aime la guitare et le skateboard. Il peut voyager dans la préhistoire grâce à un morceau de sa coquille. Mais Denver, caché par ses amis, a un ennemi en la personne de Morton Fishback, qui veut devenir riche et célèbre en le capturant. La musique, dont la bande originale est d'origine américaine, a été composée par un excellent musicien, Dal Shaker. On le connaît en France pour une autre œuvre, celle de Sab Rider, œuvre japonaise américanisée à l'instar de Macross avec Robotech. Il a aussi composé la musique de Voltron dans sa première diffusion US en 1984 et aussi Widget en 1990. Son style est totalement en adéquation avec la musique télévisée US dans un esprit Mike Post, ou pour mieux vous situer, un esprit de générique US des séries comme Magnum, Rick Hunter, Flic de Choc, etc. Batterie électronique, synthé, guitare électrique font de sa musique un son très 80, mais dans le bon sens du terme, péchu, jamais ennuyeux, et malgré que la série Denver soit anecdotique, par son caractère très épisodique niveau scénario, la bande originale, elle, se permet de vivre d'elle-même. Allez, on l'écoute. Thank you. We'll be right back. héros du futur qui nous fait vivre de vraies aventures. Toujours là quand il faut, c'est Astro le petit robot. Ce nouveau chevalier qui nous apprend à nous entraider. Toujours là quand il faut, c'est Astro le petit robot. Celui dont on est fier d'être l'ami du bout de la terre. Le formidable, l'incroyable, c'est Astro le petit robot. Celui que rien n'arrête, qui va tout droit par vents et tempêtes. Toujours là quand il faut, c'est Astro le petit robot. Celui qui n'admet pas que l'on s'amuse à défier la loi. Toujours là quand il faut, c'est Astro le petit robot. Celui dont on est fier d'être l'ami du bout de la terre. C'est Astro le petit robot. N'a pas d'égal malgré son jeune âge. Toujours là quand il faut, c'est Astro le petit robot. Celui dont on est fier d'être l'ami du bout de la terre. Le formidable, l'incroyable, c'est Astro le petit robot. Le formidable, l'incroyable, c'est Astro le petit robot. Vous venez d'écouter le générique français de Astro le petit robot chanté par Franck Olivier. Qui n'a jamais entendu parler d'Astro ? Difficile de passer à côté de ce chef-d'œuvre d'un manga de Osamu Tezuka, le RG japonais. Et c'est justement Yann Kouza qui va vous parler de ce génial mangaka dans son focus. Si je vous dis Osamu Tezuka, vous me répondez le dieu du manga. Mais avant d'avoir ce statut par tout le Japon, revenons sur le début de sa carrière et comment il en est arrivé à être considéré par son propre pays comme une divinité. Osamu Tezuka voit le jour le 3 novembre 1928 à Toyonoka, petite ville près d'Osaka. C'est l'aîné de 3 enfants et c'est à 11 ans qu'il commence à développer un goût pour le dessin. Ayant une passion pour les insectes, notamment les scarabées, il prend comme pseudonyme le nom d'Osamushi, qui, par sa prononciation, se rapproche de son nom pour produire ses premiers mangas. C'est après un problème de santé qu'il décide d'embrasser une carrière de médecin, mais ce n'est pas pour autant qu'il lâche le crayon pour le scalpel. En effet, en 1947, il publie les 190 pages de son premier succès, La Nouvelle Île au Trésor. Il continue à confirmer ce succès avec Metropolis en 1949 et tape dans l'œil d'un éditeur qui vient de lancer un mensuel, le manga Shonen. Entre 1950 et 1954, il publiera les chapitres du Roi Léo et c'est durant cette période qu'il obtiendra son diplôme de médecine, alors qu'il produit 8 séries en même temps. C'est avec cette boulimie de travail qui donne naissance à Astro Boy, soit Astro le petit robot en 1952. C'est un succès total, auprès du jeune public qui se passionne pour ce personnage. Pour rappel, Astro Boy, c'est l'histoire d'un robot qui fut créé à l'image du fils du professeur Tenma, fils perdu dans un accident. Ce robot se retrouvera revendu à un cirque où il sera recueilli par le professeur Oshanomizu, qui découvrira chez ce petit robot qu'il possède une force phénoménale et décidera de mettre les pouvoirs de ce dernier au service de l'humanité tout en combattant de nombreuses menaces. Même Stanley Kubrick sera un fan d'Astro Boy. Il lui proposera même à Tezuka un poste sur son film 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais ce dernier déclinera cette offre car surchargé de travail. En 1961, il a 33 ans. Il obtient son doctorat et ça fait pratiquement 10 ans qu'il est installé à Tokyo. Et c'est là qu'il fonde son studio Mushi Productions et qu'en 1963, il lance la première série animée hebdomadaire Astro le Petit Robot, qui sera produite jusqu'en 1966. En parallèle de l'adaptation d'Astro le Petit Robot, il lance la production d'une autre série animée en version couleur d'une autre de ses œuvres, Le Roi Léo. En 1971, il quitte Mushi Productions car en désaccord avec le bureau d'administration et qui deux ans plus tard, la société de production fera faillite. En 1980, il fonde un nouveau studio qui a pour nom Tezuka Productions où sera produit divers animés issus ou non de ses créations. Durant des années, il ne cesse de créer des personnages encore cultes à ce jour comme Blackjack, le médecin clandestin au visage balafré en 1973, Princesse Saphir, publié en 1953, de produire des œuvres passionnantes comme Phoenix, L'Oiseau de Feu en 1954, Bouddha en 1972, L'Histoire des Trois Adolphes en 1983. C'est avec cette frénésie de travail et de production qu'entre 1973 et 1983, il fournira plus de 300 pages par mois et d'avoir instauré les bases de l'animation japonaise que son statut de dieu du manga commence à lui être attribué. Le 9 février 1989, à 60 ans, Osamu Tezuka sera emporté par la maladie, un cancer de l'estomac, et laissera derrière lui un volume conséquent d'œuvres achevées ou inachevées, comme la biographie de Beethoven, œuvre sur laquelle il travaillait au moment de son décès. Mais surtout, c'est d'avoir transmis le goût du dessin et de l'innovation à de nombreux mangaka par la suite. En cette année 2018, s'il était encore parmi nous, il aurait eu 90 ans et il nous aurait rappelé que dans chacune de ses œuvres, il transmettait un message. Aimez toutes les créatures, aimez tout ce qui est vivant. Merci pour tout, Monsieur Osamu Tezuka. Merci Yann Kouza pour cet excellent focus sur Osamu Tezuka. Il est temps d'écouter le soundtrack de la série composée par Shigeaki Saegusa, qui a aussi œuvré sur Mobile Suit Z Gundam. Thank you. 闇を抜けて光の海へ夢が散らばる無限の宇宙さ星の架け橋渡ってゆこう Galaxy Express 999 est une série de science-fiction philosophique dérivée de l'univers du grand Captain Herlock alias Albator. La série et les films nous narrent le voyage de Teddy, Toshiro, vers un point de non-retour pour lequel le jeune homme veut devenir un humanoïde, un homme robot, pour devenir immortel et venger sa mère. Il se procure donc un billet pour le fameux Galaxy Express 999, un train à vapeur qui traverse toutes les galaxies. Malheureusement, il le perd aussitôt, mais une femme blonde qui ressemble étrangement à sa mère, Marina, ou Maitel en japonais, lui en offre un s'il l'accompagne. Le jeune homme part donc ravi à la recherche de la vie éternelle pour enfin venger la mort de sa mère avec Marina. Au cours de son périple, il va devoir affronter de nombreuses difficultés, et peut-être faire un autre choix que celui pour lequel il était destiné. La musique de la série a été composée par Nozomi Aoki, qui a aussi composé celle du premier film de Galaxy Express 999, ainsi que Galaxy Railway, mais aussi Ken le Survivant, Okuto no Ken, et encore Embrasse-moi Lucille, Aishite Night. On écoute tout de suite le soundtrack de la série. We'll be right back. We'll be right back. 閉じて思い出す母さんの面影遠く離れた青い地球よ安らかに眠れ星が消えるよ赤く燃えて銀河は流れるように銀河を流れるように Animer nos mélodies, c'est terminé. On se retrouve dans une prochaine émission très vite, mais en attendant, je vous conseille d'écouter l'Omake, qui sera mis en ligne à la fin de ce mois de mars, dédié au groupe français Astéro H, en partenariat avec radioanime.net. On se quitte avec l'opening de 2004 de Agatha Christie Great Detective Poirot and Marple, une chanson nommée Lucky Girl ni Anataba Wo, que l'on peut traduire par une fille chanceuse pour une personne précieuse, chantée par Yamashita Tatsuro. Au mois prochain, et n'oubliez pas que la musique des animés, ce n'est vraiment pas que pour les Japonais. More.